Je suis l'engraineur, ma tête est mise à prix. T'as compris, prix pour celui qui s'approprie les esprits. Mon cri, dans les quartiers où les kids ne peuvent casser. Dans ces cités, jamais de cité, félicité. Enfant dans les BMW, dans les bus métro, les Walkman. Comme un cobra, je paiera, quebra les esprits, chouara. J'excelle pour ma clientèle, tel un boss de cartel. Je fixe ton fils sous décibels, gifle ou la rapidis. Il consomme, je l'informe, moi pas s'il le transforme. Mon album et ma bonbonne comme un virus sans sérum. En somme, je suis l'homme à conserver dans tous les muséums. Hors normes, tel un raptor, les mots je les mords et les tords. Les ressorts plus forts et sans effort, les fous dans ton corps. Je te perfore de métaphores, allez appelle les renforts. Silence agneau, j'attaque habile comme Hannibal au cerveau. Tu m'entendras, le dawa dans ta radio. Je sème ma gangrène, plante mes mots dans les veines. Micro en main dans l'arène, prends le mic pour la pagaille. J'enchaîne, j'engraine de la pucelle à la mauvaise graine. Prends le mic pour la pagaille. Je sème ma gangrène, plante mes mots dans les veines. Micro en main dans l'arène, prends le mic pour la pagaille. J'enchaîne, j'engraine de la pucelle à la mauvaise graine. Malgré mon absence au congrès, je peux exposer, dénigrer. Paré pour engrainer, le nègre est en progrès. Pas de simagré, froissé, je fais ça de gré. Je vais émigrer dans les esprits comme un rhum aigre de haut degré. Déjà gamin, quand sur les gosses, je posais le grappin. J'organisais la guérilla au plus de pain, je donnais un gain. Départ de la bagarre, je poussais au coup de Trafalgar. Comme un démon dans l'Olympe, je grimpe, c'est ma gangrène. Viens avec moi dans le jardin du diable. Dans lequel tout est accepté. Dans cette garde de vie, je n'ai pas guéri, j'ai gravi, j'ai grandi. Avec les coups de crasse et grâce au rap, je rends grâce. Je pousse au guet-apens. Les faux gars sans disgrâce, amer. Rougeur grossi, j'aime flirter avec l'angoisse. Grimace, gris-gris, j'embrasse. Sur mon passage, je brise la glace. Je passe de l'orgasme au spasme, mes paroles agacent. Je sème ma gangrène, plante mes mots dans les veines. Micro en main dans l'arène. Prends le mic pour la pagaille. J'enchaîne, j'engraine de la plus saine à la mauvaise graine. Je sème ma gangrène, plante mes mots dans les veines. Micro en main dans l'arène. Prends le mic pour la pagaille. J'enchaîne, j'engraine de la pucelle à la mauvaise graine. Prends le mic pour la pagaille. Prends l'ampleur, je suis ample, mon temple fait de simple. Tu es un exemple, beaucoup contemplent, m'interprète et veux l'honnête. Je vais transmettre ce goût du direct, l'art de mettre, j'injecte le spec. Mon public respecte, que me haïssent les deurs inspectent. Mais personne n'arrête un mec correct, éduque des têtes, je résume. Je suis la grippe, t'as un vaccin, tu m'allumes, j'exhume. Moi la coutume, reviens avec la brume, j'enrhume. Je fous le dawa, je prends du poids, et la cible est sur moi. Je ne penche ni ne flanche, comme d'hab, j'ai le manche. Quand la potence s'enclenche, l'arrogance me branche, survol. Ma gueule mon colta, mon scud mijote. Lance le missile, grappe ma cote. Les gens achètent donc vote. Patriote, ma voix pilote. Le peuple j'emporte, dans le pays je grignote. Comme un virus dans une culotte. Je suis l'engraineur, ma tête est mise à prix. T'as compris, prix pour celui qui s'approprie les esprits. Je sème ma gangrène, plante mes mots dans les veines. Micro en main dans l'arène. Prends le mic pour la pagaille. J'enchaîne, j'engraine de la plus saine à la mauvaise graine. Prends le mic pour la pagaille. Je sème ma gangrène, plante mes mots dans les veines. L'engraineur dans l'arène. Prends le mic pour la pagaille. J'enchaîne, j'engraine de la puce. Avec mes systèmes de protection. Prends le mic pour la pagaille. Je sème ma gangrène, ne plus à nous le SI. Pas avec le Freeman pour la pagaille. J'enchaîne, j'engraine de la puce. Le ministère A, la France au rap français. Prends le mic pour la pagaille. Je sème ma gangrène, plante mes mots dans les veines. Micro en main dans l'arène. Prends le mic pour la pagaille. J'enchaîne, j'engraine de la pucelle à la mauvaise graine. Prends le mic pour la pagaille.